rappelle, c'est toi dont on me parle beaucoup. C'est toi qu'on me suggère d'apprécier. Pareil que tu m'aimes pas trop, que je mérite pas ton coup de main. Écoute bien, essaye après tout, ça coûte rien. Je t'ai pas beaucoup vu dans nos avenues, ou pour repartir direct et laisser main nue dans le cyanure. Avec moi, c'est la patience que tu gérais mal. Si tu continues, on dit que tu finis mal en général. Tu kiffes tes histoires compliquées qui finissent par IVG, garde enfant et comprimé, hein. Au détour d'une petite drague, ta flèche est logée dans mon miroir, man. Depuis, je me kiffe grave. Personne ne peut le nier, l'amour en aveugle, non, ça rend la vision trouble à force de pleurer. Mais bon, l'amour l'eau fraîche, pff, c'est du bidon, n'est-ce pas, monsieur C, a.k.a. monsieur Cupidon. Au bout du compte, pour t'avoir, c'est le bout du monde. Et on t'oublie avec la bouche sur le boulot. Au bout du compte, pour t'avoir, c'est le bout du monde. Et on t'oublie avec la bouche sur le boulot. Franchement, la France te chante à tout bout de champ, mais les mômes ne connaissent que le goût du sang et le goût du chanvre. T'as du taf sur cette étrange planète. C'est plus un carquois qu'il te faut, mais un gros transpalette. Ironie, l'amour est une maladie, man. Un rhume, on l'attrape dans la rue et ça finit au lit, Diomaï. À décrocher, rappelle ultérieurement, les mômes sont égarés, la voix d'un Martin Luther leur manque. T'as uni l'Italie et l'Irak, je suis la preuve vivante que si tu veux, tu peux faire des miracles, man. Je suis pas là pour qu'on me dévisage. Réticent à mon récit, mais sache que t'as peur de mon métissage. Je t'ai vu donner au corps de Claire le goût du troc. Balancer Lucas Corbeil au bout d'une corde. Au bout du compte, pour t'avoir, c'est le bout du monde. Et on t'oublie par à coup, la bouche sur le goulot. Au bout du compte, pour t'avoir, c'est le bout du monde. Et on t'oublie avec la bouche sur le goulot. Au bout du compte, pour t'avoir, c'est le bout du monde. Et on t'oublie avec la bouche sur le boulot. Quoi de neuf, mec? Encore une fille qui avorte et cache ses formes. Encore une fille enceinte qui lâche l'école. Y a-t-il que la beauté qui fascine et fait vaciller Cupidon, chouchoute les salauds et filles faciles. Pourquoi les frères tuent pour leur code postal? Pourquoi on exprime l'amour comme des pornostars? Cupidon parle comme El Mariachi à l'arrache. La cause de divorce, ça reste le mariage. L'amour l'eau fraîche, pff, c'est du bidon. Signé monsieur C, a.k.a. monsieur Cupidon. Monsieur Cupidon. Oh. Au bout du compte, pour t'avoir, c'est le bout du monde. Et on t'oublie avec la bouche sur le boulot. Au bout du compte, pour t'avoir, c'est le bout du monde. Et on t'oublie avec la bouche sur le boulot. Pour t'avoir, c'est le bout du monde. Et on t'oublie avec la bouche sur le boulot. Au bout du compte, pour t'avoir, c'est le bout du monde. Et on t'oublie avec la bouche sur le boulot.